France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Elle peut aussi bien incarner une cousine de Jackie Kennedy qui a mal tourné et vit fichue sur la tête dans la poisse au milieu de centaines de chats qu'une glamoureuse star dans la comédie musicale 42nd Street. Elle peut aussi singer, elle l'a fait, Lady Di dans une parodie musicale dans l'émission hebdomadaire américaine le Saturday Night Live. Christine Ebersol fait partie de ces sopranos de Broadway qui peuvent transformer leur voix et leur jeu et créer de toutes pièces des rôles de composition bluffants. À son actif quand même, 2 Tony Awards de la meilleure actrice de Broadway. Dimanche dernier, Christine Ebersol incarnait pour la dernière fois sur scène à Broadway le rôle de l'inventrice de la cosmétique Elizabeth Arden dans l'un des plus beaux spectacles de la saison dernière, War Paint, la guerre des maquillages. Ce matin, eh bien Christine Ebersol, son long cou, sa peau rosée de bébé et ses yeux perçants sont sur la grande affiche de la 42e rue, le rendez-vous des amoureux et des fanatiques de la comédie musicale chaque dimanche sur France Musique. Bonjour à tous. Shadows on the wall, I can see them fall here and there, everywhere. Silhouettes in blue, dancing in the dew. Here am I, where are you? In the shadows, let me come and sing to you. Let me dream a song that I can bring to you. Take me in your arms and let me cling to you. Let me linger long, let me live my song. In the winter, let me bring the spring to you. Let me feel that I mean everything to you. Love's old song will be new. In the shadows, let me come and sing. In the shadows, let me come and sing. In the shadows, in the shadows, in the shadows. that all I'm worth to them? A color? Pink. Is that my only claim to fame? Pink. My shot at permanent acclaim. Pink. My legend branded with a rose, immortalized in poesy. Pink. On maybe Eisenhower's lips. Pink. On Mrs. Astor's roots and tips. Pink. The box is packaged with a bow that cost more than the lotion. Pink. That flush of ardor in a man's embrace. My would-be baby with a rosy face. And rabbits from the test who perished for a nursery converted to a guest room. Dressed in pink with an enormous princess bed. Pink. The cherubs painted overhead in pink. Coral pink. Just pink. The undersigned hereby agrees to license her likeness and trademark color. When I was just a farm girl in Ontario, multi-millionaires not so long ago, the Derby winning cover girl of time, a confidant of presidents and royalty, her generation's connoisseur of style. In years to come, I wonder how they'll picture me, a legend, some aging erstwhile juvenile in pink. Still the eternal debutante pink. The only shred of me they want pink. My one accomplishment to last when I'm put out. Well, I never even liked the color. Un extrait de Warpaint, Christine Ebersole dans le rôle de Elizabeth Arden et son grand numéro à la fin. Elle expliquait, cette reine de la cosmétique, pourquoi dans la vie elle ne pouvait imaginer que des flacons roses et pourquoi elle ne pouvait voir la vie qu'en rose. Une chanson intitulée Pink, composée par Scott Frankel. Et puis pour débuter, 16 ans plus tôt, Christine Ebersole dans le rôle d'une star du musical. C'était un extrait de 42nd Street, Shadow Waltz. Christine Ebersole est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue. Alors, elle est peu connue en France, peut-être, son nom n'est pas très connu, mais vous l'avez vu certainement dans des films et des séries. La première fois, c'était lorsque Dustin Hoffman lui rentre dedans, littéralement, au cours d'une soirée. C'était dans le film Tootsie. Et puis, vous l'avez vu dans Amadeus de Milos Forman. Elle incarnait une soprano machiavélique, Caterina Cavalieri, qui avait une relation avec Mozart, mais qui apportait à son ennemi mortel, Salieri, des partitions originales du compositeur. Wolfgang would be frantic if he found those were missing. You see, they're all originals. Originals? Yes, sir. He doesn't make copies. These are originals? Mm-hmm. Christine Ebersole est actrice, mais elle est aussi chanteuse. Elle est née dans la banlieue de Chicago, la quatrième d'une famille de quatre enfants. Sa mère écoute toutes sortes de musique chez elle, du gospel, de la soul, mais elle aime aussi acheter des albums d'enregistrement de comédies musicales. Son père est directeur d'une usine de métallurgie. Il adore écouter les pièces de Shakespeare sur cassette et il sera son plus grand fan. Il voyagera par exemple exprès à New York lorsqu'il apprend le jour même que sa fille remplace ce soir au pied levé l'actrice principale dans un spectacle à Broadway. Christine Ebersole ne suit pas vraiment d'école de chant. Un témoin explique même au New York Times qu'il ne croit pas qu'elle ait beaucoup appris. Après le lycée, elle part à New York faire une école d'art dramatique, la American Academy of Dramatic Arts, en 75. Alors elle est d'abord remplaçante de rôle à Broadway. La première fois, c'est sur une pièce de Cy Coleman, On the 20th Century. Et puis, elle est vite engagée dans la troupe de tournée de Oklahoma, la comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, qui s'installe au Palace Theater, en plein cœur de Broadway. Premier succès. Premier enregistrement d'un rôle de composition. Christine Ebersole incarne Ado Annie, une jeune ingénue blonde avec un sacré accent du Far West. Elle a 26 ans. It ain't so much a question of not knowing what to do. I know what's right and wrong since I've been 10. When he is paying a call, for a while I spill the tea, sir, tea. Then I think of that old golden rule and do for him what he would do for me. I can't resist a Romeo in a sombrero and chaps. Soon as I sit on their laps, something inside of me snaps. I can't say no. When the Debbies go by, Christine Ebersole, ce matin sur la grande affiche de la 42e rue avec une belle voix dont nous explorons toutes les facettes ce matin, avec à l'instant un enregistrement de 2001 d'un des rares flops de George Gershwin, écrit en 1925 avec son frère et Buddy de Silva, Tell Me More, un enregistrement sous la direction musicale de Rob Fisher avec Christine Ebersole, et puis juste auparavant, en 79, le moment où elle se fait remarquer dans Oklahoma au Palace Theater. Et puis quelques semaines plus tard, justement, après Oklahoma ou pendant Oklahoma, un coup de chance incroyable, on l'appelle un samedi matin pour lui demander si elle peut remplacer au pied levé l'actrice principale de Camelot, la comédie musicale autour du roi Arthur, par les auteurs de My Fair Lady, qui doit démarrer dans exactement 7 jours. Ça ne fera pas peur à Christine Ebersole. Elle apprend le rôle en 6 jours, comme l'explique dans son livre Robert Viagas. Alors samedi matin, donc appel du producteur. Samedi après-midi, entre deux représentations d'Oklahoma, audition. Dimanche, rappel pour une seconde audition. Lundi matin, apprentissage du script. Mardi, première répétition avec la troupe. Jeudi, filage complet du spectacle de 10h du matin à 1h du matin suivant. Vendredi soir, première devant le public. Et dimanche, ouverture officielle du spectacle en présence de la presse. Au total, ça fait 200 heures pour tout apprendre et donner la réplique à Richard Burton himself, qui incarnait le roi Arthur comme à la création de Camelot. Alors, il n'y a pas d'enregistrement malheureusement propre de cette production, mais j'en ai trouvé un, j'allais dire sale, avec quelques bruits de micro, qui vaut malgré tout la peine d'être écouté. Alors, Camelot, c'est donc par les auteurs de My Fair Lady, Frédéric Leu et Alan J. Lerner. Et sur scène, la voix de Christine Ebersole fait furieusement penser à la voix de Crystal de Barbara Cook. l'époque, elle apportait au rôle de Guenièvre, créé par Julien Jouz, une stature, une dignité différente, éclipsée par exemple un enregistrement pirate de The Lusty Month of May. Il y aura ensuite Hollywood pour Christine Ebersole, ses lumières, ses films, ses séries. Mais Broadway intéresse toujours autant l'actrice qui reviendra dans des productions d'abord éphémères de comédies musicales classiques au New York City Center avec grand orchestre. Elle sera par exemple, le temps de quelques représentations, Emily dans Allegro, Lisa Elliott dans Lady in the Dark de Kurt Weill, et puis elle participe à la recréation d'une revue extravagante de Florence Ziegfeld, les Ziegfeld Follies de 1936. Lui revient par exemple une chanson comique où elle parle des conséquences de la mauvaise situation économique actuelle, on est en 1936, sur les relations entre les hommes et les femmes. The Economic Situation. I'm tired of keeping up with the economic trends and the universal problems that perplex. Oh, tell me where can I find a man who condescends to show an interest in sex. Affairs of heart mean nothing to men of late. It seems they only go for affairs of state. It used to be that a girl could get away with "Aren't you wonderful?" But the economic situation has changed all that. It used to be all you'd ever have to say was "Aren't you wonderful?" And a man would show his adoration and you sat pat. But today, if you want a panic guy without using a gun, you on a moonlit veranda. You've got stars and music and other propaganda. And what happens? Does he make love? No! You have a discussion about the effect of the dynamo on the Russian. You're looking your best, but he hasn't noticed. For you're up to your neck in the taxpayer's protest. Your perfume's $30 an ounce, and your makeup is fresh. But not for him, the lure of the flesh. Discussing Germanism and economic determinism and H.G. Wells' latest utopia and Mr. Bora on Ethiopia and Morgenthau on the surtax and Jekylls on the fur tax. And what about Brooklyn? Will Roosevelt carry it? And the effect of Eccles and Ickes on the proletariat? With glittering eyes, we get to the underplowing of cotton and the man forgotten. Forgotten man, hell! What about the forgotten Gill? But no! He throws you the Supreme Court's latest decisions, and you retaliate with the Franco-Polish treaty revisions. And he 5-5-3s you about Japan, and you knock him down with the Townsend plan. And he gives you Wallace and Tugwell until it hurts. And by the time he leaves, you're screaming, "Nerds! Nerds! It used to be that a girl could get away. nation has changed all that. It used to be all you'd ever have to say was, aren't you wonderful? There was never needed conversation of tit for tat. Chatter was effectual, and you didn't have to be a goddamn highbrow intellectual with the men. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. En 2001, Christine Ebersole reçoit son premier Tony Award de meilleure actrice. C'est l'équivalent de l'Oscar du théâtre à Broadway. Et c'était pour ce rôle, dans la reprise de 42nd Street, la comédie musicale de Harry Warren. À près de 50 ans, elle ne décroche plus à Hollywood dans les séries et les films de rôles de jeune première. Et bien dans 42nd Street, à Broadway, elle va incarner Dorothy Brock, la vedette qui fait son grand retour sur une scène, mais par un coup du sort se casse la jambe lors des répétitions et doit céder sa place à plus jeune qu'elle. La prestation de Christine Ebersole, sa stature dans ce rôle de star impressionne. Et d'ailleurs, le metteur en scène dira d'elle, Christine Ebersole a le style, le glamour, et elle comprenait ce style des années 30. C'était au Quarter to Nine, un duo entre Christine Ebersole et Kate Levering dans 42nd Street en 2001. Et puis deux ans plus tard, la même Christine Ebersole reçoit son deuxième Tony Award pour deux rôles en un fascinant. Là, elle s'est investie, elle a d'ailleurs investi financièrement dans un projet audacieux. C'est l'adaptation en comédie musicale d'un documentaire choc de 1975, Grey Gardens. Les réalisateurs Albert et David Mails avaient retrouvé les cousines et tantes de Jackie Onassis Kennedy, deux femmes issues de la haute bourgeoisie qui avaient mal fini et vivaient comme des vieilles filles, ensemble, mère et fille, dans une maison sale au milieu de dizaines de chats. Les réalisateurs étaient allés filmer leur vie quotidienne, leur quasi-vie de couple et leurs commentaires originaux sur le monde. une histoire de folie qui, comme l'expliquait Christine Ebersole, pour ces deux femmes qui rêvaient de musical, avait trouvé finalement l'extraversion dans cette forme de folie, de vie décalée. Alors c'est le compositeur Scott Frankel et le parolier Michael Corey qui décident d'adapter ce documentaire en spectacle musical. Et en fait, il y aura deux actes. Un premier acte cossu, très années 30 justement, qui raconte comment la vie de cette mère et de cette fille sont dans les années 30, dans ces années de Charleston flamboyantes. Sorry to interrupt your rehearsal, ma'am, but about Mr. Beale. Surely he's coming home for the party. Well, I should say so. He's announcing his daughter's engagement. Wall Street will have to do without him for a day. Mr. Beale thinks making money matters more than a restful family summer by the shore. But unless some act of God divine derails the New York Montauk line, he's arriving on the 5:15. Then I'll have a car waiting at the station. Auntie Edith! Girls, look at you, Jackie, lovely, and Leah, fright. What have you been doing? Sing for us, Auntie Edith. Now, girls, make yourselves useful. Go out to the garden, make some pretty little nosegays to wear at the party. Please, just one song. All right, cool. What's next on the bill? Indian Love Poem? No, the Mysterious Orient. Hit it. Pretty itty bitty geisha, delicate and small and sweet, kneeling on tatami, making origami, hobbling on her poor bound feet. Ooh! Pretty itty bitty geisha, hiding all her foolish pride. Let your Auntie Edith finish her rehearsal. Take your silly selves outside. Scoot! Utter terrors, those two. I just adore children. Especially grown ones. Ma'am, the caterer's arrived. Where would you like him to set up? Put the chafing dishes on the garden ledge. Once the gardener has finished with a hedge, chill the vicious swaz and heat the veal and wish me luck, 'cause Mr. Veal is arriving on the 5:15. What time is it? 11:30. Good Lord, 1:00. Set the chairs on the tables. 2:00. Raise the big white tent. 3:00. Reginaldo does our hair. Now that sounds promising. 4:00. Hang the Japanese lanterns. 5:00. Mix the champagne punch. Take the inchworms off the peonies. Pink umbrellas for the daiquiris. The ambassador and Rose will tour the grounds. Like a spread from House and Garden, she expounds. Oh, how new, though, Rich. Tuned and moved outdoors by cocktail hour. Mind not yours and restrict yourself to grenadine. Yeah, yeah. You cannot be sloshed at 5:15. Beale residence. Hold, please. Lady from the Hamptons Bee. Why, hello, Margaret. Yes, darling, 5:30. Well, everyone's simply to 2 Park Avenue, La Creme de Hyannis. Well, the press table's going to be awfully crowded, but if you don't mind sharing a folding chair with Harper's Bazaar. Sing? Me? Heavens, no, it's Edie's day, not mine. Although people can be so insistent, and I hate to disappoint. Twist my arm, blackmail me, threaten my very life, and who knows, you might get a verse of something. Yes, darling, 5:30. Where were we? 1:00. Stake the droopy hydrangeas. 2:00. Fill the lotus pond. 3:00. Lock the cat up in its room. Oh, poor kitty. 4:00. Glaze the salmon in aspic. 5:00. Crack the crab on ice with the privet pruned and manicured. And my daughter's future well assured. Pray bottoms will be decked out in its pride. Right as a wedding time. Little Edie will be here with Joe in time. Hear them chapel bells chime. Like Norman Rockwell family. Our photo in the Hamptons Bee. The event of 1941. Of East, West, South, and Bridge have done. Though perhaps I've overspent a bit. The man who's gonna pay for it is arriving on the 1:00. And welcome. Welcome to Grey Gardens. I'd like to commence our little tribute to young love with one of our all-time favorites. Gould, will you? I'm afraid she's slipped away for the moment. The guest of honor, she's missing in action. Nerves, I'm sure. But she won't be gone for long. I just know it. Why, just look at the garden. The sound of the ocean. And all of you here. All of you come to celebrate, Edie. My little Edie. Why, I've no doubt any minute she'll come breezing down the stairs. Or surprise us, maybe. Through the patio doors. Because I ask you, who could ever bear to leave? Dans le premier acte de Grey Gardens, la comédie musicale, Christine Ebersol incarne donc la mère Edith Bouvier, femme bourgeoise qui organise dans les années 30 des parties dans sa résidence et qui fait exprès échouer le mariage de sa fille afin de ne pas se retrouver seule. C'était une chanson intitulée « Will You » juste à la fin du premier acte. Le second acte de cette comédie musicale se déroule 30 ans plus tard, dans les années 70, et c'est à proprement parler la musicalisation du documentaire. Christine Ebersol incarne cette fois la vieille fille de 40 ans qui s'habille avec un moche foulard sur la tête, des bas troués et qui porte un vieux fichu. Elle donne salement de la nourriture au chat en faisant tomber des croquettes sur le sol. Quant à sa mère, elle passe son temps dans son lit à harceler sa fille. Désormais, mère et fille vivent ensemble et ne restent plus que les regrets, la folie, la crasse. Et Christine Ebersol, qui va recevoir un Tony Award pour ce double rôle en 2003, incarne de façon poignante cette fille complètement sous l'emprise de sa mère et qui rêve peut-être à une autre vie, Around the World. It's my mother's house, in my mother's name, and you can't beat mother at mother's game, 'cause she likes the people who I don't like, and if I don't like it, it's take a hike, which is mother's way of reminding me, when you live off mother, you can't be free, and I think that mother is very mean, and this latest thing with this wash machine, the one Jerry brought, don't be too surprised if the guy moves in and I'm pulverized, 'cause I'll be damned if I'm gonna waste my time washing clothes in a goddamn machine. I feel very strongly about mementos. Memorabilia, I guess you call it. Around the world is what I call my wall of special things. Around the world with rose bouquets I dried and tied on strings. A silver mask from a masquerade around and round. My mother's house with my mother's friends. And with Jerry coming, it never ends. It's the same old story as George Gould Strong. Not in 20 years did we get along. Though I do feel bad for the way he died in a two-bit flea bag, a suicide. It was mother's money, the Bouviers. And if mother spends it in crazy ways, no one else took care of her, only me. She was taken care of, not sexually. And if you infer that they were using her, I will shove you under the goddamn bed! Around the world with stones and shells, the nicest one I lost. Around the world without a boat, I'm just a quote from Frost. Two roads diverged in a yellow wood, a lovely crossing all. Around the world around the attic wall. Around the world there isn't room for every spell. So when you go, the world will be the one you know. A birdcage I plan to hang, I'll get to that someday. A birdcage for a bird who flew away. Past are already redeeming. make it all come true. Make me love you too. Someday I'll find you again. Someday I'll find you. Someday I'll find you. Someday I'll find you again. Noël Coward, interprété par Christine Ebersole. C'est extrait d'un album intitulé Christine Ebersole chante Noël Coward, un des nombreux albums de cabaret de l'actrice. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Et vous pouvez commenter, réagir à cette émission sur la page Facebook de 42e rue, ainsi que sur Twitter avec le mot-clé 42 rue. Christine Ebersole aime se produire dans des cabarets, au Café Carlyle, au Feinstein Studio 54. Voici un extrait d'un autre album plus jazzy, en duo avec Billy Stritch, le pianiste attitré de Liza Minnelli, dans un superbe album intitulé Sunday in New York. By the lake for hire, and if it should storm, you just make it on home and get cozy and warm by the fire. By Monday morning, you're both agreed it was fate. As day comes dawning, if you can't pick a spot or set a date. New York on Sunday. So make it grapefruit colonic. Breathe the perfume of fresh floral splendor. Soft light to soothe the feminine gender. Rose petal pink with blue we could soar. Shall I do first? I'll try them all! Oh. Dine on glacé of cucumber glacial. What you don't eat, we'll use for a facial. Vogue magazine declares the cuisine top drawer. Behind the red door! Say that your fanny raises an issue. Smooth off that excess adipose tissue. That's what the rolling gluteal press is for. Yes, she is on her way now. She's coming, but busy, no slumming. She's rounding the corner of E63rd. She's driving past Tiffany's window, I heard. Dust off her portrait and swiftly, dear. You know how she judges, see to those unsightly smudges. She's coming. Oh my gosh, we're going to lose her. On the lipstick, dear. Behind the red door. Ardina skin tonic for that unfortunate eczema. Lizzie, we have to talk. Not now, Mr. Lewis. Have they had the Vienna Youth Mask? My exclusive Vienna Youth Mask. Not yet, Miss Arden. Well, what are you waiting for? American beauty roses, each of you. And who am I? Why, your devoted gardener, of course. Hook them up to the electrodes, pip, pip. Certain reporters seeking the truth ask, can it be real, your Vienna youth mask? I am the proof that time isn't keeping score. Behind the red door, hooked up to wires as harnesses wrap you, 600 volts of energy zap you. Dead dormant skin cells now are a living spore. Behind the red door. Name, a famous Hollywood face. My skin foulage restored it. Wallace and Edward hoard it. How much? Don't ask, or you can't afford. Classic Venetian cream amaretto. Tacoma 10-ounce jar. And you get a sample of my new fragrance of love, L'Amour. Remember, since Adam's fall from grace in the garden, all thanks to one, Elizabeth Arden. Heaven on earth is open from 9 to 4. Monday through Friday. Behind the red door. Refresh, replenish, renew. Un extrait de la plus récente comédie musicale avec Christine Ebersole qui a fermé ses portes dimanche dernier, figurez-vous, War Paint, une comédie musicale qui est en fait l'adaptation d'un livre, La guerre en fait, des maquillages, qui racontait la guerre à New York entre les deux inventrices de la cosmétique, Elizabeth Arden et Elena Rubinstein. War Paint a refermé ses portes, mais vous pouvez vous procurer l'enregistrement paru chez Ghost Life Records et puis nous reviendrons prochainement sur cette œuvre en compagnie de son compositeur très inspiré de musique française, Scott Frankel, que j'ai eu la chance de rencontrer à New York. Dans l'actualité des comédies musicales, vous les aviez découvert en septembre dernier dans un cabaret, 42e rue, en live, la troupe de Broadway au carré crée My Life is a Musical, une comédie musicale d'Adam Overett à découvrir à la Comédie Nation mardi 14 et vendredi 17 novembre à Paris. Et puis vous le savez, dimanche prochain, nous serons avec Michel Legrand pour un cabaret 42e rue très spécial intitulé Les Demoiselles de Rochefort ont eu 50 ans. Michel Legrand revisitera pour nous dans un concert unique, la partition qu'il a composée pour le film. L'émission sera exceptionnellement enregistrée et c'est déjà complet. Je dois vous dire que nous avons été submergés par les réservations. Nous n'avons pas pu accueillir tout le monde. Mais j'ai un petit apéritif pour vous faire patienter. Le magnifique coffret définitif des Demoiselles de Rochefort, paru chez Universal sous la houlette de Stéphane Lerouge. 5 CD qui comprennent, outre la partition complète, des maquettes, des versions revisitées. Eh bien, j'en ai 5 pour vous. Pour les remporter, il vous suffit de nous écrire en allant sur la page de 42e rue. Vous appuyez sur l'onglet Contact et surtout, cette fois, vous nous dites en quelques mots pourquoi vous aimez les Demoiselles de Rochefort. Nous relayerons vos beaux mots à Michel Legrand dans l'émission et vous n'oubliez pas d'indiquer votre adresse. Dans le coffret, il y a notamment cette version en anglais des Demoiselles de Rochefort, puisque le film a été tourné en 2 fois, en français et en anglais. Je vous laisse reconnaître la chanson. My fiancé used to find my name a bit absurd. In fact, it drove her mad, and so without a word, she upped and ran away and left no farewell line. 10 lonely years have passed now since her eyes met mine. How very sad it was the night she fled the scene. She didn't want the name of Madame Guillotine. She had this silly fear that if she went to bed, she'd suddenly wake up one day without her head. And yet she told me this the day before she went, that we were to expect that wonderful event. How happy she'd have been with me, the proud papa. But taking on my name was taking things too far. A fine young man was I, and she a sweet young thing. Although she'd had 2 twins before 1 wedding ring, I never met her girls, she kept them out of sight. They lived away from home and never stayed the night. Then several years went by, I met a mutual friend who said my love had joined another man to spend the best days of her life in farthest Mexico, on some Pacific beach where lovers always go. And here am I alone, a disappointed man. I've come to see the town from which my true love ran. I try to settle down, but still I ramble on. I'm boring you, I know, about a love that's gone. La chanson de Simon, version anglaise des Demoiselles de Rochefort. Alors pour gagner ce magnifique coffret, 5 CD définitif des Demoiselles de Rochefort, vous nous écrivez sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, mais surtout, vous nous dites en quelques mots pourquoi vous aimez ce film, en quoi il a compté, car nous transmettrons ces informations à Michel Legrand. Vous avez jusqu'à mercredi minuit. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Moni, Déborah Dagobert, Jean-Paul Lafavergès, Fabien Flora, on vous souhaite un très bon dimanche et on vous dit à la semaine prochaine avec Michel Legrand. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.